Pour ce troisième épisode de Civis, on va recevoir un journaliste, Fabien Perrier, qui est correspondant en Grèce pour beaucoup de médias français, suisses et belges, notamment Libération, Marianne ou Europe 1. On va pouvoir parler avec lui de son nouveau livre qui est sorti le 7 novembre dernier. C'est la première biographie qui a été écrite sur l'ancien Premier ministre grec Alexis Tsipras. Alexis Tsipras, il avait été élu en 2015 suite à la crise grecque avec son parti Syriza qui a été qualifié d'extrême gauche par les médias. On va parler avec lui d'Europe, du rôle notamment des institutions européennes face à Tsipras et à la crise grecque. Mais aussi, on va pouvoir parler des questions migratoires et de la crise des réfugiés parce que la Grèce est aujourd'hui la principale porte d'entrée vers l'Europe. Et des camps sont dans des états catastrophiques. Enfin, il y a une vraie question sur la question des migrants et des réfugiés en Grèce. Et Fabien Perrier écrit beaucoup sur ces sujets-là, donc c'est un des nombreux sujets qu'on va aborder avec lui. Fabien Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Libération, Marianne, Télérama, d'autres quotidiens suisses, belges. Vous faites aussi des chroniques à la radio. Vous êtes correspondant en Grèce pour tous ces journaux. Vous traitez d'actualité grecque, mais aussi d'Europe, des questions par rapport à l'Union européenne. Vous avez beaucoup écrit sur les réfugiés en Grèce, notamment. Vous sortez le 7 novembre un livre sur Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre grec. C'est sa première biographie. Vous la sortez aux éditions François Bourin. La sortie de votre livre, elle va avec le nouveau film de Costa Gavras qui sort mercredi, qui s'appelle Adult in the Room, qui traite de la crise grecque autour notamment du rôle du ministre d'Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis. Alors, pour situer, pour commencer à parler de votre livre, est-ce que vous parlez beaucoup de recomposition politique en Grèce dans votre livre? Est-ce que, pour qu'on situe bien, parce que généralement en France on situe par rapport au parti politique français, est-ce que vous pouvez situer le schéma politique grec par rapport à ce qui s'apparente au parti socialiste, ce qui s'apparente en Grèce, etc. Bon, d'abord, je voudrais apporter une précision, c'est que le livre colle entre guillemets à la sortie du film de Costa Gavras, Adults in the Room, mais c'est pas un livre qui défend exactement le même point de vue. Moi, c'est une enquête, alors que le film de Costa Gavras est une fiction qui repose sur un témoignage qui est celui de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des finances. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est un livre qui, en réalité, le livre sur Alexis Tsipras, c'est un livre qui devait sortir un petit peu plus tôt. Il se trouve qu'il y avait des élections anticipées en Grèce au mois de juillet, suite à l'échec, on va dire, de Syriza, et on va en parler, suite à l'échec de Syriza aux élections européennes. Et du coup, avec l'éditeur, nous avons pris la décision de décaler un petit peu la sortie pour avoir un peu de recul sur ce qui s'était passé et peaufiner, on va dire, les derniers chapitres. Donc, évidemment, il y a pire comme date de sortie que d'être un jour après le film d'un des plus grands réalisateurs grecs. Donc, j'ai plutôt de la chance. Maintenant, pour répondre à la question, je pense que c'est lié, ce que je viens de dire avec cette question, c'est que la Grèce est un paysage politique mouvant et dans lequel il est très dur de comprendre sur le long terme ce qui se passe. D'une part parce que les noms des partis ne correspondent pas nécessairement aux noms des partis français ou aux noms des partis allemands ou espagnols, etc. Oui, bien sûr. Hein. Coalition de la gauche radicale, c'est le parti d'Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre. Ça veut dire, l'acronyme est Syriza. Et donc, coalition de la gauche radicale, en France, on n'en a pas. Parallèlement, il y a un deuxième parti qui s'appelle, à la gauche, il y a un deuxième parti qui s'appelle le Parti communiste grec. Si on prend cette fois juste les initiales du parti, évidemment, on a comme référence le Parti communiste français. Or, il se trouve que le Syriza, la coalition de la gauche radicale, et le KOKOUE, le parti communiste grec, KKE, ne s'entendent absolument pas. Et que l'allié du parti communiste français est le Syriza, donc le parti d'Alexis Tsipras, et non pas un parti communiste grec qui est un parti particulièrement dogmatique, extrêmement dogmatique. Donc, définir le paysage politique, puisque c'était la question, nécessite d'une part de comprendre l'histoire de la Grèce que j'ai essayé de faire, Bien sûr. l'histoire en tout cas de l'après-Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement de l'après-chute de la dictature des colonels jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'on va Bien en sûr. parler plus en détail. Est-ce que vous pouvez, avant de venir à Alexis Tsipras, on va essayer de comprendre les raisons de la crise, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons qui ont mis la Grèce dans une situation économique telle qui a expliqué la crise? Est-ce que c'est et la, sur qui est la responsabilité? Est-ce que c'est sur les dirigeants de l'État grec avant la crise qui ont fait n'importe quoi? Est-ce que c'est déjà les obligations européennes, etc. Est-ce que je vous écoute. C'est une bonne question, parce qu'en fait, il y a eu un discours, j'ai envie de dire, qui a été construit par les médias, à partir, et par des responsables politiques, y compris grecs, à partir des années 2009 à peu près, alors que la crise mondiale avait déjà éclaté, hein, avec la faillite de Lehman Brothers. Donc, il y a eu un discours qui a été construit, qui a consisté à dire, mais la Grèce, si elle se retrouve dans cette situation, c'est parce que les Grecs sont des fainéants, c'est parce que les Grecs ont dépensé leur argent n'importe comment, etc., etc. C'est parce que l'État n'est pas un État efficace. Bon, ça c'est le discours. Le problème c'est que derrière le discours, il y a une réalité dont on a pu se rendre compte à travers différents documents. Je vais en citer deux. Le premier, c'est un rapport effectué à l'époque par un député européen qui s'appelle Lim Wong Nok, pardon, qui est un professeur d'économie par ailleurs, qui a été donc député européen et qui a écrit et qui a tiré de ce rapport un petit livre qui s'appelle La Troïka, dans lequel il montre ce que la crise mondiale a provoqué sur le plan bancaire dans des pays entre guillemets faibles, comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande, etc. Et surtout ce que les politiques appliquées par la suite en tant que remède ont provoqué aussi. Ça, c'est le premier texte que je voudrais citer. Je reviens ensuite sur la question, mais c'est important de l'avoir en tête. Et la deuxième source, entre guillemets, c'est le rapport d'audit de la dette effectué par la présidente de la Voulie de l'époque, donc le Parlement grec. Cette présidente s'appelait Zoé Kostandopoulou. Elle a pris comme directeur scientifique Éric Toussaint, qui sort un ouvrage dans quelques jours. Dans ce rapport, on voit bien que la crise grecque a été provoquée par plusieurs aspects. Le premier, c'est une dégradation de la situation financière par l'augmentation des taux d'intérêt. Donc en fait, une spéculation sur la Grèce. La deuxième, c'est une augmentation de la dette publique masquée par ailleurs par différentes techniques masquées par la Banque centrale grecque et donc acceptées par la Banque centrale européenne et Eurostat. Donc il y a une complicité des institutions européennes, ça c'est la deuxième chose, donc une augmentation de la dette publique qui est liée, elle, essentiellement à des grands travaux comme la construction du métro, comme les Jeux D'accord. Olympiques, etc., etc. Et ces grands travaux ont d'abord été faits par des entreprises allemandes, par des entreprises françaises, et il y a eu de la corruption. Et là, comme l'a gentiment dit un ministre du PASOK, donc l'équivalent du Parti socialiste français, le Parti social-démocrate grec, Pangalos, comme il avait dit, nous en avons tous mangé. Ce qu'il oublie de dire, c'est que la corruption dans les affaires Siemens, dans les affaires Novartis, etc., c'est pas les Grecs qui ont mangé, comme il dit. C'est un certain nombre de responsables politiques, un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est eux qui se sont enrichis, qui ont contribué à creuser le déficit grec, a augmenté la dette grecque, mais ce n'est pas eux qui ont eu à payer les recettes appliquées en Grèce ou à appliquer plus exactement sur leurs propres affaires les recettes que la Troïka, composée du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de l'Union Européenne, ont demandé d'appliquer en Grèce. D'accord, alors vous parlez justement de la Troïka. Moi, il y a un passage dans votre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le contournement de la démocratie par justement la Troïka pour faire appliquer leur politique. La Grèce est considérée comme le berceau de la démocratie. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment la Troïka, avant l'arrivée de Tsipras au pouvoir, pour mettre en place les politiques qu'elle souhaite faire appliquer à la Grèce, va contourner le Parlement, comme ce que vous détaillez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça plus en détail? Alors, comment la Troïka va contourner le Parlement? En fait, plus exactement, la première chose qui se passe, c'est que en février, je reprends, il faut remonter Bien plus sûr. exactement à octobre 2009. Octobre 2009, il y a l'élection de Yorgos Papandréou et de son parti, le PASOK, qui obtient la majorité et qui est en mesure donc de constituer un gouvernement sans coalition. Donc le PASOK remporte la Grèce sur son opposant principal qui était à l'époque Nouvelle Démocratie et se met à diriger le pays en disant, en ayant fait comme promesse électorale, de l'argent, il y en a. D'accord. Sauf que de l'argent, nous apprend le Premier ministre quand il arrive à la tête de la Grèce, il n'y en a pas tant que ça, et il révèle, entre guillemets, les comptes publics. Sauf qu'on savait déjà qu'il y avait des déficits, des déficits structurels en Grèce, des problèmes structurels en Grèce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il va très vite faire appel lui-même au FMI. C'est la première fois que le FMI, le Fonds monétaire international, une agence située à Washington, vient appliquer ses politiques dans un pays européen. Or, ces politiques, on en a eu l'exemple à plusieurs reprises, seraient en Afrique. Donc, on sait que ce sont des politiques qui visent, grosso modo, à aller vers plus de privatisation, baisser les dépenses publiques, L'austérité. ce qu'on a appelé l'austérité, c'est-à-dire le mélange de baisse des dépenses publiques, de baisse des salaires, de baisse des retraites, de mesures dites de rationalisation, sans qu'on sache très bien ce qui se cache derrière ce mot de rationalisation. Bref, toutes ces mesures sont alors appliquées en Grèce. Et la population commence à se révolter contre ce qui se passe. Il y avait des manifestations énormes dans Athènes. On va en parler. Ouais. Et malgré tout, Yorgos Papandréou va signer avec le FMI un accord qu'on appelle accord de Memorandum of Understanding, un mémorandum d'accord qui donne les politiques à appliquer en échange d'un prêt. Donc le pays est au bord de la dans une situation difficile avec une augmentation des taux d'intérêt, donc une augmentation de ce qu'il aura remboursé régulièrement sur sa dette. Et en même temps, on rajoute de la dette à la dette. Déjà, logiquement, il y a un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur ces mémorandums, c'est que la population, comme je disais, est très opposée à ces politiques, très opposée au principe même que le FMI vienne. Ça s'explique historiquement, hein, parce que les Américains ont joué un rôle, comment dire, pas clair, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le coup d'État qui a permis au colonel d'arriver au pouvoir en 1967. Toujours est-il qu'il y a une détestation toujours en Grèce des Américains, et surtout dans la gauche. Et donc les Grecs sont opposés à l'arrivée du FMI par un gouvernement, légitimé par un gouvernement qu'ils viennent d'élire. Donc Papandréou utilise en quelque sorte sa majorité pour faire ce qu'on appelle entre guillemets un coup d'État parlementaire. C'est pas dans le sens Ouais, bien sûr. il devient Premier ministre à vie. D'ailleurs, on va vite voir que ce n'est pas le cas, mais il fait passer un texte par une procédure d'urgence, pour aller vite, qui permet de voter tous les mémorandums comme une seule loi d'un coup et de déposséder les parlementaires de leur devoir principal, donc de lire la loi, d'amender la loi, de voter la loi. Ça, c'est très grave parce qu'en réalité, on a dans ce moment de 2010, de mai 2010, on a les germes même d'un pourrissement de la démocratie dans le pays dont on dit toujours qu'il est le berceau de la démocratie. Donc vous avez parlé de Papandréou, donc du PASOK, qui est élu sur un programme qui ne va pas appliquer, qui va donner les clés de la souveraineté nationale au FMI. Est-ce que, à partir de ça, il y a des grandes manifestations? On pense notamment à la manifestation de la place Syntagma en Grèce, à Athènes. Tsipras se fait l'homme des manifestations, l'homme du peuple qui sort sur la rue, etc. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement ce qui fait le déclic de Tsipras, l'homme des manifestations, à Tsipras qui devient Premier ministre? Est-ce que je peux le détailler? Oui, mais ça va être long encore comme réponse. Il y a trois temps essentiels. Le premier, c'est effectivement 2010, ces manifestations énormes et qui vont, comment dire, donner le sentiment, quand on les regarde de l'extérieur, comme l'est le journaliste, hein, un être extérieur qui vit les événements, qui constate les événements. Il y a trois temps, et le premier, donc, c'est 2010, avec des phases de flux et de reflux. C'est un peu comme les marées, j'ai envie de dire. Un moment, il y a des manifestations énormes, et puis mai 2010, 5 mai 2010, trois morts dans une manifestation. Le mouvement social, le mouvement populaire, semble avoir un coup d'arrêt. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps serait les indignés, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période de 2011 qui part en réalité de... Alors oui, vous peut-être pas parce J'avais 11 que... ans. Voilà, j'en avais un petit peu plus. Donc je m'en souviens bien. Mais en 2011, il y a un mouvement qu'on a appelé les indignés qui part d'Espagne en protestation contre les saisies immobilières en Espagne, entre autres, et les Espagnols vont commencer à occuper des places. Et ce mouvement d'occupation des places va très vite trouver un écho en Grèce, où les Grecs vont aussi occuper les places, débattre sur les places. Et là, c'est un déclic pour Tsipras, et Tsipras n'est pas présent. Et je pense que c'est un coup intelligent de la part de Syriza, du parti d'Alexis Tsipras, qui s'appelle à l'époque Synaspismos. C'est un coup intelligent, c'est de dire nous ne voulons pas récupérer le mouvement. Nous allons accompagner comme nous pouvons, nous allons répondre aux invitations, mais nous n'allons pas être présents, nous n'allons pas encadrer. En réalité, Tsipras et son parti à ce moment-là font confiance au peuple grec. Et il faut voir à cette époque-là, notamment sur la place Syntagma, la place de la Constitution, qui est une place centrale d'Athènes, les centaines de Grecs, parfois même les milliers de Grecs, se retrouver, débattre, aller écouter des économistes, aller écouter des philosophes, être dans un moment de construction, de réflexion collective. C'est un moment très important parce que Syriza, Synaspismos et les autres partis qui par ailleurs feront Syriza, sont, à la différence du Parti communiste grec qui lui a essayé de récupérer le mouvement à la fin du mouvement, sont présents comme je disais, sous le mode du débat, mais en fait sont en contact avec la population. Et tout ça va monter peu à peu, va déboucher sur une autre chose, qui est le troisième temps, qui est la phase d'une construction d'expériences alternatives qui avaient été débattues sur les places, avec par exemple la construction d'hôpitaux gratuits. Alors, hôpitaux, c'est un bien grand mot, de dispensaires sociaux, on devrait dire, dispensaires médicaux. Ou les Grecs qui n'ont plus les moyens d'aller à l'hôpital ont la possibilité d'aller se faire soigner gratuitement par des médecins qui donnent du temps D'accord. et qui vont ensuite se débrouiller pour trouver des médicaments, organiser des relais européens pour que des médicaments arrivent, etc., etc. Ça, c'est les trois temps qui me paraissent essentiels et qui vont déboucher non pas sur l'élection d'Alexis Tsipras, parce que je pense que c'est en réalité un autre grand moment, mais on va y revenir. Tous ces deux moments vont déboucher sur 2000, ces trois moments vont déboucher sur l'élection de 2012, où François Hollande est élu en France face à Sarkozy. Hein, donc Hollande l'emporte sur la droite. Et en Grèce, Alexis Tsipras arrive à hisser son parti, qui était à moins de 5%, une première fois à 15% à peu près, et ensuite à plus de 20%, donc à deuxième partie de la vie politique grecque. C'est-à-dire que cette construction qu'il y a eu pendant toutes ces années 2010, 2011 et début 2012 mène à une transformation du paysage politique et une assise d'une coalition de la gauche radicale, c'est-à-dire d'une coalition qui regroupe différents partis de gauche, Synaspismos, le parti eurocommuniste pour aller vite, Eurocommunisme. et presque le noyau dur, si je pourrais, en tout cas la force essentielle de cette coalition. Donc Syriza, la coalition, arrive en deuxième position. Et Tsipras assoit réellement son parti dans la vie politique grecque. Vous avez parlé de François Hollande, il y a une sorte de qui représente un espoir pour la gauche européenne de retour au pouvoir. Tsipras brise le bipartisanisme grec avec donc Nouvelle Démocratie et le PASOK. Comment, à partir de 2012, il va se construire en France, on parle de carrure présidentielle. Comment est-ce que lui se construit une carrure de Premier ministre et comment se font les élections? Est-ce que il y a toujours des mouvements sociaux qui accompagnent est-ce que jusqu'à son élection, ou alors il y a le mouvement social qui retombe, mais il représente toujours les mouvements sociaux en politique? Il va se construire ce charisme déjà par une chose, c'est que un fait, c'est qu'il est jeune. Il a en 2012 moins de 40 ans. Il est né en 1974 et il a 38 ans. Il a même encore n'a encore que 37 ans en mai 2012, puisqu'il est né le 28 juillet 1974. Il n'est pas issu d'une des deux grandes familles politiques qui se partagent le pays depuis la chute des colonels et même avant, hein, la famille PASOK face à la famille Nouvelle Démocratie, la famille Papandréou face à la famille Karamanlis, pour aller vite. Donc, lui, il incarne complètement autre chose. Il incarne un renouveau, finalement un espoir. Et ça aussi, ça va complètement contribuer à lui donner un profil de carrure Ouais, présidentielle, carrément. finalement, parce qu'il n'est pas issu de ces familles-là. Il ressemble beaucoup plus au grec normal, Un homme du peuple. à l'homme du peuple. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très grec dans un certain sens. Il vient d'une famille qui n'est pas une famille riche, mais qui n'est pas une famille pauvre non plus. Il vient d'une famille, il est le troisième d'une famille de trois enfants au total. Son père est un entrepreneur qui travaille dans la construction. On sait que la construction a été un des moteurs de la croissance, parfois même factice, hein, croissance factice en Grèce, mais en tout cas, il est l'incarnation du grec qui souffre de la crise. Et ça va extrêmement jouer en sa faveur parce qu'il sait aussi parler le même langage que celui que les Grecs ont envie d'entendre. Il n'a pas fait les grandes écoles. Il n'est pas un produit qui a été éduqué dans les grandes écoles américaines et qui revient ensuite faire de la politique en Grèce. Lui, il a fait ses études en Grèce. Donc c'est ce charisme. Certains trouvent que Tsipras n'est pas charismatique. Bon, moi j'ai beaucoup de mal à m'exprimer là-dessus. Je trouve que Tsipras, en tout cas, est quelqu'un qui sait jouer d'une forme de charme. Je vais raconter une petite anecdote qui n'est pas racontée dans le livre. Mais une chanteuse grecque, dont je tairai le nom, me raconte un jour que elle est convoquée par Alexis Tsipras. Convoquée, j'exagère en disant ça comme ça, mais elle reçoit un coup de fil d'Alexis Tsipras parce qu'il a une proposition à lui faire, une proposition politique pour l'intégrer sur une liste électorale. Faut savoir qu'en Grèce, il y a beaucoup d'artistes qui sont très engagés. Hein. Elle n'a pas du tout envie de répondre à la sollicitation. Elle lui dit gentiment, a priori pas, mais je vais réfléchir. Bon. Elle en parle avec un autre ami qui lui dit, surtout, si tu veux lui dire non, tu ne vas pas le rencontrer parce que tu vas ressortir de son bureau en ayant dit oui et sans t'en être rendu compte. Il y avait, je trouve, dans cette anecdote, quelque chose de très vrai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait déployer des arguments, qui a une forme de charme et qui sait séduire son électorat. Malheureusement, la réussite ne se joue pas toujours uniquement sur la séduction. À partir de 2012, du coup, il va, comme vous l'avez dit, se construire une carrure en jouant sur l'homme du peuple. Comment est-ce que son arrivée au pouvoir, elle se fait concrètement? Est-ce qu'il y a seulement Syriza ou alors est-ce que on a parlé du KKE, le PASOK? Comment est-ce que ces deux partis réagissent et comment est-ce que se fait concrètement son élection? Dans un certain sens, il y a deux réponses à la question. La première, c'est de dire oui, son arrivée au pouvoir se fait uniquement par Syriza. Parce que la force de Tsipras, outre ce charme, et d'avoir su rallier avec Synaspismos, autour de Synaspismos, un certain nombre de petits partis. Le terrain était déjà bien préparé par les deux prédécesseurs de Tsipras, à savoir Nikos Kostandopoulos et Alekos Alavanos, qui avaient déjà élargi Synaspismos à une coalition qui s'appelait Syriza, justement. Mais Tsipras, lui, non seulement a continué d'élargir cette coalition, et en plus d'élargir cette coalition, il l'a transformée en parti. Donc, oui, Syriza joue le rôle essentiel, puisqu'il fédère, puisqu'il parle un langage que les Grecs entendent, parce qu'il est le premier parti, non pas être dans la rue, parce que la faille de Syriza, la faiblesse de Syriza, c'est de ne pas avoir les relais de mobilisation sociale, plus exactement de mobilisation syndicale qu'a le Parti communiste grec. D'accord. Mais sa force était d'être sur un terrain de société civile, là où ce que le Parti communiste grec a délaissé traditionnellement. Donc, je reviens, le moteur essentiel, c'est quand même Syriza. Pour ce que je viens de dire, donc hein, la société civile et la transformation d'une coalition en un parti. Et la deuxième chose, c'est pas uniquement Syriza, parce que Syriza aurait réussi un tour de force en obtenant assez de voix pour être le seul parti à pouvoir gouverner. Or, Syriza a eu besoin d'un allié, qui est les Grecs indépendants. Il faut que je détaille. Alors, les Grecs indépendants, ça c'est intéressant aussi parce que c'est un parti qui vient de Nouvelle Démocratie, donc du parti de droite, hein, je redis, allié au PPE, le Parti Populaire Européen. Le leader des Grecs indépendants s'appelle Panos Kamenos, mais c'est un homme qui a pris ses distances avec Nouvelle Démocratie à partir du moment où Nouvelle Démocratie est allée au pouvoir pour appliquer des mémorandums. C'est un parti, une composante politique qui n'existait pas encore en tant que telle, mais sont des députés, en tout cas, de Nouvelle Démocratie, qui ont quitté l'Assemblée nationale, le Parlement grec, la Vouli, pour aller rejoindre les indignés. Je vais essayer de raconter la géographie de la place Syndagma. Elle comporte une partie basse et une partie haute. La partie basse était celle où se tenait l'essentiel des débats. La partie haute était celle où se tenait l'essentiel des protestations. D'accord. Et Kamenos était plutôt lui sur la partie haute, plutôt. D'accord. Même s'il faisait un petit peu l'aller-retour, mais ses militants, on va dire, ses supporters, plutôt sur la partie haute. Or, en 2015, aux élections européennes de 2014, déjà, un certain nombre de députés élus sur le compte des Grecs indépendants expriment qu'ils sont tout à fait prêts à travailler avec Syriza au Parlement européen, donc à travailler avec la gauche. D'accord. Ça, c'est une chose. La deuxième chose sur les Grecs indépendants qu'il faut savoir, c'est que c'est un parti qui a obtenu quelques pourcents au mois de janvier 2015 et qui du coup est devenu un allié potentiel, puisque le Parti communiste grec avait déjà refusé toutes les mains tendues de Syriza depuis des années et réitéré ses refus en janvier 2015. Et surtout, c'était un parti qui refusait l'austérité et c'était sa ligne principale sur le plan politique. Donc c'était le seul parti dans le paysage traditionnel grec, dans le paysage politique grec, avec lequel Syriza pouvait s'allier. Donc, on arrive au moment où Tsipras vient d'arriver au pouvoir, il fait une coalition avec Kamenos, il va être élu aussi sur un programme, mais finalement... céder face à contre-cœur, comme ce que vous dites dans le livre, face à la Troïka, lui aussi. Je vais reparler de Jean-Luc Mélenchon. Il dit que si Tsipras avait voulu établir un véritable rapport de force contre l'Allemagne, contre l'Union européenne, l'Union européenne n'aurait pas eu de choix que de venir le rattraper et de l'empêcher de sortir de l'Union et de l'empêcher de sortir de l'euro. Qu'est-ce que vous pensez de ça et je vous écoute. Il y a une chose qui est très importante, qui est celle du rapport de force. Je pense que c'est une deuxième chose que j'essaie de montrer dans le livre. Indépendamment de la personne de Tsipras, c'est le rapport de force qui existe en Europe à ce moment-là. L'Union européenne, plus exactement, l'Europe est un continent, l'Union européenne... Oui, l'Union européenne, oui, bien sûr. Non, mais je le dis par rapport à moi, par rapport à ce que je viens de dire, l'Union européenne est une construction politique. Donc l'Union européenne, le rapport de force dans l'Union européenne est un rapport de force globalement défavorable à la gauche en 2015. Un des moments où il a été favorable à la gauche... c'est quand il y avait un alignement des planètes, entre guillemets, avec Jospin, Schröder, les Espagnols, etc. Bref, quelques dirigeants de grands pays, membres d'un parti social-démocrate, social-libéral, socialiste, ça dépendait des pays. Bon, il n'en est pas forcément ressorti grand-chose. Donc, là où... cette question du rapport de force se pose en 2015, elle se pose dans un contexte de nouveau qui est très défavorable à une gauche issue de la gauche radicale, issue de l'eurocommunisme, donc favorable à la construction européenne, mais favorable à une Europe très sociale, favorable à une autre répartition des richesses. Et dans ce rapport de force, Tsipras, il a très peu d'alliés. Bien sûr. Il a peu d'alliés. Donc, dire s'il était allé au rapport de force, s'il était allé plus loin dans le rapport de force, si lui avait menacé de sortir de l'euro, les Européens l'auraient rattrapé, c'est faire fi de ce que disait le principal pays de l'Union Européenne en poids économique et en poids de population démographique, qui est l'Allemagne. Wolfgang Schäuble avait organisé clairement des alliances autour de lui pour une sortie de la Grèce de l'Union Européenne. Il y a un débat aujourd'hui d'historiens qui appartiendra à l'histoire, qui appartient déjà aux historiens, c'est le plan était-il prêt ou non. Il y a un livre qui est sorti, que je cite, qui s'appelle The Last Bluff, qui dit que le plan était prêt, de mémoire il s'appelait le plan Albanie, je crois. Bon, soit. D'autres disent que ce n'est pas vrai, Schäuble n'avait pas un vrai plan, mais il y a des papiers qui ont circulé montrant qu'ils étaient en train d'y travailler. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, j'ai une idée. Il y a des pistes données dans le livre. Je ne tranche pas la réponse clairement. Vous penchez pour quoi ? Je penche pour le fait qu'il y avait réellement un plan qui D'accord. était prêt. Donc le rapport de force aurait été illusoire. Et Donc Tsipras aurait dit, je sors de l'euro, il rendait un service à l'Allemagne qui voulait que la Grèce sorte de l'euro. Voilà. Pour une raison simple, c'est que ça a baissé plus encore le coût de la main-d'œuvre en Grèce. C'est tout bénef pour les Allemands aujourd'hui. Hein. Donc, Tsipras est élu sur des promesses. Il ne va pas au rapport de force, donc cède face à l'Union européenne. Est-ce que, malgré tout, il est quand même élu sur un programme très à gauche, vraiment il se revendique de l'eurocommunisme, donc très à gauche, est-ce qu'il a réussi tout de même à mettre en place des politiques de gauche, donc de redistribution, basées sur la consommation plutôt que sur l'offre On est en train de spoiler les livres. Voilà. Spoiler les livres, c'est l'histoire en même temps. Bon, si on écoute Yanis Varoufakis, Tsipras, c'est un échec total. Maintenant, Yanis Varoufakis, il a été ministre pendant 6 mois. Il y a un très bon film, qui est le film de Costa Gavras, hein, qui montre bien justement cette question du rapport de force. Lui s'appuie sur le livre de Varoufakis. En revanche, le film... à mon avis, donne un peu la part belle à Varoufakis. Parce que Varoufakis dit « Tsipras est allé, a signé. » Et voilà, Tsipras a toujours voulu signer quoi qu'il en soit, pour l'instant. Le seul qui ne s'est pas exprimé clairement sur la question, sauf à une reprise, c'est Alexis Tsipras. Alexis Tsipras a dit dans le film de Paul Mason si je n'avais pas signé, j'aurais été le héros de 2 jours, de 3 jours, mais après, même le mot gauche, on aurait interdit en Grèce jusqu'au mot gauche. C'est-à-dire que faut se rappeler qu'en 2015, la rumeur d'un coup d'État était plus que insistante. Elle n'était pas véhiculée par le gouvernement. La situation était telle que Tsipras, je pense, a vécu les pires heures de sa vie à Bruxelles. Et après, une fois qu'il avait signé, il était obligé de respecter le mémorandum. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de dégager quelques marges de manœuvre. Est-ce que c'est un succès ? Est-ce que c'est un échec ? Est-ce qu'on peut se considérer qu'il a limité la casse ? On va dire qu'il a baissé le chômage, sauf que c'est en créant des emplois précaires. On va dire qu'il a introduit des minima sociaux, mais il a échoué à une véritable réforme de l'État. Or, c'est sans doute pour ça qu'il avait aussi été élu en 2015. Il a échoué à... comment dire ? À redonner un espoir à la population. Or, c'est pour ça qu'il a été élu. Est-ce que c'est un échec? Ça appartiendra à chacun. Parce qu'il faut toujours avoir en tête une chose, c'est que se serait-il passé si la Grèce était sortie de l'euro ou de l'Union européenne? De l'Europe, elle n'en serait pas sortie. Hein, jusqu'à preuve du contraire, à moins d'un Secondo, gigantesque tremblement de terre, il n'y aura pas de sortie de la Grèce de l'Europe. Mais qu'est-ce qui se serait passé? On ne le sait pas, on ne le saura pas, mais sans doute a-t-il estimé que le risque était plus important que les bénéfices potentiels à en tirer. Voilà. Est-ce qu'il fallait préparer plus tôt une sortie de l'euro? C'est la thèse que défendent certains. C'est la thèse que défend, par exemple, Eric Toussaint, auquel je donne la parole dans le livre, et qui est un très bon connaisseur de la dette grecque, puisque, comme je disais tout à l'heure, il a été le directeur scientifique du rapport d'audit de la dette. Mais que se serait-il passé? Puis l'autre petite chose qu'il faut quand même souligner, c'est que certains veulent aujourd'hui se construire une image de résistant, comme l'Europhétis. par exemple, c'est l'objet de son livre, qui est un très bon témoignage. C'est un très bon témoignage. Maintenant, quand on mène une enquête et qu'on se base sur son témoignage, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont sans aucun doute la façon dont lui a ressenti le moment, mais pas la façon dont d'autres personnes présentes dans la même pièce ont ressenti Senti, le bien sûr. moment. Qui a raison? Est-ce que c'est Varoufakis? Je ne sais pas, ça ne m'appartient pas de le dire. Ce que je pense en revanche, c'est que quelqu'un qui, à un moment, démissionne, ou quelqu'un qui n'a pas préparé peut-être des plans alternatifs, et d'abord quelqu'un qui Qui lui parle aussi beaucoup. qui a abdiqué à certains moments. Alors, aujourd'hui, la Grèce, elle est repassée à droite en juillet dernier. Qu'est-ce qui change alors, le nom du Premier ministre, c'est Mitsotakis. Si. Qu'est-ce qui change donc, de la nouvelle démocratie? Qu'est-ce qui change dans la façon d'analyser la crise et de vouloir y répondre par rapport à Tsipras? Dans la façon d'analyser la crise, je pense, si c'est mon point de vue, dans la question, la façon dont moi je vois la différence entre Tsipras et Mitsotakis, la première différence, c'est celle que je citais tout à l'heure, c'est qu'il y a d'un côté quelqu'un qui est issu d'une famille politique, mais aussi d'une famille. Un père était Premier ministre, une sœur était ministre des Affaires étrangères, un neveu est aujourd'hui maire d'Athènes, une sœur est députée. Donc, c'est une famille aussi au sens clanique du terme qui est au pouvoir, mais c'est aussi un parti dont sur lequel planent un certain nombre de suspicions qu'ils ont trempées dans des affaires de corruption. Voilà, il y a des suspicions qui planent. Là, il appartient à la justice De trancher. de trancher. Mais ça, c'est quand même une différence majeure. Parce que on ne peut pas en même temps dire la Grèce est un pays dans lequel il y a eu pendant 40 ans des ressorts clientélistes. Et se féliciter que un parti politique qui a été au pouvoir pendant la moitié de ses 40 années soit de nouveau au pouvoir, commence par changer les cadres de nombre de grandes administrations, commence par promettre des baisses d'impôts. Commence par détruire les conventions collectives, les peu de conventions collectives que Syriza avait Qu'il a mis en réussi place. à remettre en place. À qui ça profite? C'est toujours ça la question de la politique, c'est à qui la politique que l'on mène profite? Est-ce qu'elle profite à la majorité ou est-ce qu'elle profite à des intérêts particuliers, ou en tout cas à des minorités de la population? On a beaucoup parlé de Tsipras. Vous abordez un thème qui est celui de la crise des réfugiés en 2015. Actuellement, la Grèce, c'est le pays le premier pays d'entrée Tout à fait. des réfugiés et de l'immigration en Europe. C'est un sujet sur lequel vous écrivez beaucoup. Vous avez écrit un article sur Lesbos, qui est une île grecque qui accueille beaucoup de réfugiés. Récemment, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a qualifié la situation des réfugiés sur les îles grecques de deux termes, d'explosive et au bord de la catastrophe. Il y a 34 000 personnes dans les centres d'accueil sur 5 îles qui bordent les côtes turques, alors que leur capacité, elle est seulement de 6 300 places. Est-ce que, en tant que journaliste grec qui a beaucoup écrit journaliste français en Grèce qui a beaucoup écrit sur cette situation, est-ce que vous pouvez nous détailler et est-ce que vous validez en quelque sorte ce qu'a écrit le commissaire des droits de l'homme? Bon, moi, j'ai pas à valider ou à Non, non, invalider ce mais. qu'il dit, mais c'est vrai que quand je vais sur le terrain, que ce soit à Lesbos, à Chios ou sur d'autres camps, y compris en métropole grecque, on se rend compte que la situation n'est pas tenable, j'ai presque envie de dire que l'humanité est bafouée. C'est terrible de voir les conditions dans lesquelles on laisse vivre des gens qui ont fui d'abord la guerre essentielle, pour l'essentiel d'entre eux, pour d'autres la misère. Mais le problème dans ces discours, c'est que on fait reposer, un peu d'ailleurs comme avec la crise économique, la faute sur un pays, sur une population, alors qu'en réalité, cette situation, elle naît d'un accord, qui est l'accord du 18 mars 2016. Le 18 mars 2016, Bruxelles signe avec Ankara, l'Union européenne signe avec la Turquie un accord qui dit: on délègue le contrôle de nos frontières à la Turquie, on demande à la Turquie de conserver sur son sol les migrants qui veulent venir en Europe, on donne des milliards à la Turquie pour ce faire et pour qu'elle construise des camps. Et on dit enfin, la gestion de notre politique migratoire continue de se faire par l'Union européenne, mais hors du territoire européen. Sauf dans un cas, ceux qui auront réussi à regagner les îles grecques, en l'occurrence, ou les pays de première entrée, comme l'a été l'Italie. Ça pose deux questions. La première question, c'est: quelle est la politique migratoire que veut l'Union européenne? Tel que j'entends cet accord, ça veut dire qu'on ne veut pas de migrants et on ne veut même pas de réfugiés en réalité, puisqu'il y a une différence entre les réfugiés, qui sont en droit international Bien ceux sûr. qui fuient la guerre, la persécution, etc., et les migrants dits économiques, dont l'Union européenne ne veut absolument pas, qui sont voués à être Parqué en Turquie. Parqués en Turquie ou raccompagnés dans leur pays d'origine. Bon. Donc, ça, c'est la première question. C'est pourquoi ne pas vouloir de migrants, tout en sachant que, au plus fort de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, il y a 1,5 million de gens qui sont arrivés sur le territoire européen pour un continent de 500 millions de personnes, pour un continent qui a des richesses importantes. Donc, ça, c'est la première question. Quelle politique migratoire voulons-nous? Et est-ce qu'on a bien compris, deuxième question, qu'on pourra ériger tous les murs que l'on veut, Il y aura toujours des gens qui passeront. les gens passent toujours. C'est leur seule survie possible. En 2015, j'avais rencontré un jeune homme qui s'appelle Eli dans les récits et qui maintenant veut bien que je donne son vrai prénom, donc il s'appelle Sueb, qui m'avait dit: mais entre risquer de perdre la vie en mer et être sûr de la perdre dans mon pays, je préfère risquer ma vie en mer. Je pense que tout est dit. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien essayer d'être repoussés une fois, repoussés deux fois, repoussés trois fois, ils tenteront toujours de passer. Ça, c'était vrai. Ça l'est un peu moins pour une raison simple, c'est que maintenant, le contrôle des frontières, comme j'ai dit, est délégué à la Turquie. Le problème, c'est que l'on voit par vagues des migrants arriver. Donc la Turquie utilise ces migrants comme un instrument de pression politique, géopolitique, diplomatique sur l'Union européenne, sur la Grèce en particulier. Ostensiblement, la politique, elle ne marche pas. Est-ce que la situation est explosive? À partir du moment où les camps sont débordés et qu'on met ensemble des populations qui ont parfois des intérêts particuliers ou des cultures, on va dire, différentes, dans des camps surchargés, avec un seul espoir de quitter ce camp, le plus vite, alors qu'ils sont en plus dans une situation de dénuement extrême, oui, évidemment que la situation est catastrophique. Mais de nouveau, on stigmatise facilement en oubliant de se poser la question de comment en sommes-nous arrivés à cette situation. Très bien, alors on a abordé plein de sujets qui sont contenus dans votre livre. Moi j'avais une dernière question. Avec Civis, on essaye beaucoup d'axer sur la démarche, sur l'engagement citoyen. Vous avez retracé le parcours de Tsipras dans votre livre, de jeune militant communiste qui fait sa première télévision à l'occasion de porte-parole d'un mouvement Je ne vais pas tout social. dire, quand même, Non, ce non, qu'il y a dans le livre. justement, c'est un teaser. Est-ce que vous considérez, ce sera ma dernière question, le métier de journaliste comme un engagement citoyen? Et est-ce que vous avez des conseils de conseils à quelqu'un, un jeune qui cherche à s'engager, un jeune ou un moins jeune qui veut s'engager au service du bien commun, ou alors en politique? Est-ce que je considère le journalisme comme un engagement citoyen? Je considère que le métier de journaliste consiste à aller le plus possible sur le terrain, expliquer ce que l'on voit sur le terrain, donc être une forme de médiateur, donner des éléments pour comprendre les situations, des analyses, des points de vue de personnalités politiques, de philosophes, d'experts, etc., etc. Et que de toute façon, le choix même du sujet est une forme d'engagement. Évidemment que si on fait des reportages sur les migrants, on n'est pas exactement engagé de la même façon que si on tend juste le micro à des partis racistes ou à des partis semi-fascistes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur cette question de l'engagement citoyen, si un article, parce qu'il donne à voir une situation, parfois avec émotion, parce qu'on peut ressentir Bien sûr. de l'émotion en tant que journaliste, provoque une émotion chez le lecteur et le fait réfléchir, oui, là je revendique l'engagement. D'accord. Et tant mieux, Tant c'est-à-dire mieux. que quand dernièrement j'étais à Lesbos et qu'à un moment il y a un incendie qui se déclenche, qu'on voit passer un corps de quelqu'un qui visiblement est entre la vie et la mort, bah ça peut pas. Moi, je vais jamais dire qu'on dort bien la nuit après. J'imagine. Oui, il faut le dire. Oui, il faut le dire parfois aussi dans ce que ça peut avoir de cru ou de terrible. Mais je pense qu'en revanche, on n'a pas à dire au lecteur ce qu'il doit penser. Voilà. Que ça le fasse réfléchir, oui. Mais dire au lecteur ce qu'il doit penser, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'en réalité, c'est aussi ce qui fait de plus en plus la critique des Des journalistes. journalistes. C'est que, évidemment, si on travaille dans un journal très affiché politiquement, un journal d'un parti, le lecteur de base s'attend à avoir un peu la Bien légitimation sûr. du point de vue de son parti. Mais Quand on est éditorialiste, est-ce qu'on doit dire au lecteur ce qu'on doit penser? Je sais pas, moi ça me met un peu mal à l'aise. En réalité, en plus, j'ai le sentiment que aujourd'hui, il y a un métier qui est en train de disparaître, qui est celui de reporter, au profit justement du journalisme de point de vue, ou en tout cas des gens qui font des choses très des éditoriaux en réalité, mais qui sont pas Orienté. orientés, mais qui sont pas sur le terrain. Si on enlève du terrain les journalistes, c'est un métier qui va mourir et c'est aussi comment dire, une éthique. Moi, parfois, je vois des choses, en tant que citoyen, je ne suis pas, comment dire, réjoui de ce qui se passe. Je vais interviewer des gens avec lesquels je ne suis pas forcément Bien sûr. d'accord. J'en ai interviewé plein avec lesquels je ne suis pas d'accord pour faire ce livre. Mais je les écoute, je retranscris leurs paroles. Voilà. Alors après, là, il y avait une deuxième question qui était celle de conseils à donner à un jeune journaliste. Genre de journaliste ou un jeune qui cherche à s'engager pour les autres. Ça, c'est l'intervieweur qui parle. Pas forcément, mais c'est pour ouais, c'est pour tout le monde, pour moi aussi, bien sûr. Non, moi, je pense que là, sincèrement, j'ai pas de conseils à donner. Je pense que la seule chose que je pourrais dire, c'est que on fait pas de révolution uniquement sur Facebook. C'est des bons relais, les réseaux sociaux, mais c'est bien aussi d'être de nouveau sur le terrain, quel qu'il soit, que ce soit dans des enceintes de débat, dans les universités, à la fac de Rouen, à la fac de Marseille, à la fac de à Paris-Sorbonne, où on veut. C'est important d'être sur des lieux de terrain qui sont des lieux d'affrontement au sens du débat. C'est comme ça qu'on comprend que l'on progresse. Donc oui, il faut s'engager. Après, c'est un malheur si les gens ne perçoivent pas que l'engagement est encore le seul moyen de changer, y compris sa propre vie, en l'améliorant. D'accord, et ben merci beaucoup Fabien Perrier, De ce fut un rien, plaisir. merci à Merci. vous. Je vous donne les références du livre de Fabien Perrier. C'est un livre qui est très bien détaillé, sans forcément connaître l'histoire récente de la Grèce. Il y a des explications qui sont vraiment claires sur les parties prenantes de la politique grecque, les parties prenantes de la politique européenne. Ça permet vraiment de comprendre à la fois la crise grecque, mais aussi la suite, avec l'explication des mouvements sociaux qui ont suivi, puis l'arrivée au pouvoir de Tsipras, et ensuite ce sur quoi il a abdiqué face aux institutions européennes. Moi, je vous conseille vraiment de le lire. C'est un livre qui est édité aux éditions François Bourin. Et avec Steve, on s'intéresse beaucoup à la question de l'engagement citoyen. Donc, c'est un livre qui retrace vraiment le parcours de Tsipras depuis son engagement en tant que jeune militant jusqu'à la fonction suprême de son pays. Donc, si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous contacter toujours sur Twitter ou à l'adresse civispodcast@gmail.com.